La Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée livre ses activités de secours d'urgence dans les régions sinistrées. En collaboration avec la succursale provinciale du Hamgyong du Nord et les membres de la délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Corée, l'équipe de la société envoyée sur place s'efforce pour remédier aux dégâts et stabiliser la vie des sinistrés. La Société de la Croix-Rouge a envoyé tout de suite les matériels de secours pour plus de 5000 familles qu'elle avait stockées. Les membres de la société et les volontaires ont installé à plusieurs endroits les postes de premier secours pour les sinistrés et aident la distribution des matériels de secours urgents.